Luc chapitre 17. Allons continuer à étudier la foi. Nous sommes à notre troisième étude sur ce thème-là. On est encore, je pense, pour une autre étude. Et bien qu'on ait fini d'étudier la foi, on va étudier un autre trois chapitres sur, j'ai intitulé ça, La pression monte. Et on va voir, Luc va dire à Théophile pourquoi Jésus a-t-il été mis en croix. Et il va, pendant trois chapitres, rappeler des histoires, des discours, des événements où est-ce qu'on voit monter la pression dans la société à Jérusalem, parmi les Juifs. La pression monte jusqu'à temps qu'on tue Jésus finalement. Mais ça monte par crainte, on veut monter ça. Ça monte. À cause de ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on va voir dans les trois autres chapitres 19, 20, 21, 22. Ça va être la passion, la mise en croix, tout ça, jusqu'à la fin du livre de l'Évangile. Mais ce matin, on continue cet enseignement sur la foi. Et j'aimerais, pour nous introduire, lire quelques versets du chapitre par excellence sur la foi dans Hébreux, chapitre 11. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi, qui était quoi? Faire mourir tous les enfants mâles. Pas tous les enfants, mais tous les enfants mâles. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. N'importe qui aurait regardé Moïse vivre aurait su que Moïse avait une foi. La foi. Les choix qu'il a faits dans son quotidien manifestaient qu'il avait une foi différente de d'autres personnes. Ces choix-là de rejeter le peuple de l'Égypte, de s'éloigner du monde, du péché, de s'éloigner de sa mère, entre guillemets, qu'il avait adoptée, de s'éloigner de toutes les richesses, de toute la gloire égyptienne. Il s'est éloigné, il s'est affilié avec un peuple d'esclaves pour aller traverser le désert et aller vers un pays qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Il avait la foi dans l'invisible. Dans l'invisible. Il avait la foi dans un Dieu qui avait un plan pour le peuple d'Israël. Un peu comme Joseph, mourant en Égypte, a dit à ses frères, « N'oubliez pas, quand Dieu va venir vous chercher, emmenez mes os avec vous autres dans le pays de Canaan. » Ça, c'est mourir avec la foi. Quand on a la foi, ça va paraître dans toute notre vie de tous les jours. Pas juste le dimanche matin qu'on va à l'église, loin de là. Quelqu'un qui nous regarde vivre, qui nous écoute, va voir qu'on a une foi différente de l'humain. s'il ne voit pas la différence. Peut-être qu'on a des questions à se poser, chacun de nous. Il ne devrait pas voir qu'on a une foi différente parce qu'on va dans une autre bâtisse qu'eux autres le dimanche matin. Oui, ça va être une de ces manifestations-là. Mais ça ne devrait pas être seulement celle-là. Parce que là, ils vont dire, « Oh, tu as fait un choix, toi, d'aller à l'église-là, puis nous, on fait le choix d'aller à l'église-là. » Ils ne verront pas plus de différence que ça. Mais ils doivent voir qu'on a une foi différente dans tous les gestes que nous causons dans notre vie. Et c'est ce que Luc veut parler avec Théophile ici. La foi. La foi. La foi, chez le croyant, c'est pas juste le fondement de sa vie, c'est sa vie. Le chrétien vit par la foi. C'est ça qui fait le trait de caractère du croyant. Le trait de caractère du croyant, c'est pas qu'il ne regarde pas la TV. Le croyant vit dans la foi, jour après jour. Il vit dans la foi. Dans la foi, il voit plus loin. Il croit à l'invisible. Pendant que j'étais à l'école ces dernières semaines, j'ai pu voir dans les paroles des enseignants, dans les paroles des gens autour de moi, je peux voir leur foi. J'espère qu'ils voient la mienne. Je vois leur foi. Par les paroles qu'ils disent, par les croyances qu'ils font, par leur agissement, par les paroles qu'ils vont dire. Juste quand ils se parlent entre eux autres, « Ouais, mais c'est pas de ta faute, c'est la faute de la société. » C'est leur foi, ça. Moi, je ne suis pas coupable, je suis une bonne personne, c'est la faute des autres que ça va mal. C'est leur foi qui se manifeste ainsi. On voit leur foi dans tous les gestes qu'ils disent et les gestes qu'ils font. Ça devrait être la même chose dans nous autres aussi. Quand nous parlons de nous, quand nous parlons de Dieu, quand nous parlons du monde dans lequel nous vivons, quand nous parlons de notre avenir, de nos rêves, de nos ambitions, ils devraient voir, waouh, lui a une foi différente des nôtres. Je crois que c'est cette foi-là ici que Luc veut faire ressortir à travers ce qu'il va dire dans les chapitres 17 et 18. Il veut qu'ils comprennent que la foi, ce n'est pas juste dans la tête, à quelque part, des belles paroles qu'on dit, mais c'est quelque chose qui se vit jour après jour dans la vie du croyant. Sans la foi, rien n'est possible pour le croyant. C'est le terme que j'ai donné à ces deux chapitres-là. Sans la foi, rien n'est possible pour le croyant. La première chose qu'on a vue ensemble, c'est sans la foi, nous ne pouvons pas croire à un pardon infini. Ça prend la foi pour croire ça. Ça prend la foi pour pouvoir dire aux gens, je m'en vais avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu malgré que je suis un pécheur, je m'en vais au ciel pour l'éternité avec Dieu malgré que je suis un pécheur, j'ai la foi parce que Dieu me pardonne tous mes péchés. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je suis une bonne personne. Je n'ai pas besoin de dire aux gens que je ne suis pas si pire que ça. Je n'ai pas besoin de dire ça. Je suis aimé par Dieu, malgré que je ne suis pas ça. Si je le crois. Je le crois, ça. Et j'ai besoin de la foi pour croire ça. Deuxièmement, on a vu que la foi demande l'impossible. On a vu ça ensemble que... Jésus a dit, si vous aviez de la foi gros comme un grain de sénévée, vous pourriez faire des choses, transporter les arbres de place, les montagnes de place. Jésus n'était pas en train de parler de changer la forêt de place, voyons donc. C'était des façons de parler. Il dit, si tu as la foi, tu vas demander à Dieu de faire des choses qu'il est impossible à l'être humain de faire. Et c'est ce que nous avons vécu quand nous avons dit à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Et dans ce mot salut-là, dans ce mot sauver, oh, que c'est énorme, c'est pesant. C'est 1200 pages d'un livre qu'on appelle la Bible. C'est ça le salut. Sauve-moi. Sauve-moi. Et Dieu a fait cela parce qu'on avait la foi. Il l'a accompli dans notre vie et il nous a transformé et un jour nous allons être comme Jésus. dans le ciel avec lui. Et on a demandé quelque chose d'impossible, parce que Jésus a dit quoi? On va le voir un peu plus loin. Ce qui est impossible aux hommes de faire, Dieu peut le faire. Donc, il est impossible à l'homme de se sauver. Nous avons dit à Dieu, sauve-nous, nous croyons que tu es capable de nous sauver, sauve-nous. Et Dieu nous a sauvés. Vous avez des centaines d'exemples dans l'Ancien Testament d'hommes qui étaient devant des grandes armées. Ils ont dit, une petite gang. Ils ont dit, Seigneur, sauve-nous, nous croyons que tu as agi. Et Dieu nous faisait gagner. Je disais cette semaine dans le roi Ézéchias, qui dit à Dieu, Seigneur, sauve-nous. Il s'est couché et il a dormi. Le lendemain matin, il s'est levé. Il y avait au-dessus de 150 000 monde de hommes morts dans l'autre armée pendant la nuit de temps. Lui, il dormait. Dieu a dit, tu as cru en moi, je vais faire ce que tu as dit, te demander. Tout ça, c'était des exemples pour nous faire comprendre ce que nous avions besoin, nous, de croire en tant que croyants. On a vu ensemble que, on a commencé à voir que la foi donne la persévérance. La foi donne la persévérance jusqu'au retour du Seigneur. On a vu à partir du verset 20, chapitre 17, il dit, Jésus dit, vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme, vous allez désirer voir mon retour, mais ça ne viendra pas tout de suite. Avant, il va y avoir toutes sortes de grands conflits dans le monde. Avant, les nations du monde vont vous haïr, vont vouloir vous détruire. Il y aura beaucoup de souffrance pour l'Église avant. Ça ne viendra pas tout de suite. Mais il dit, persévérez. Celui qui a la foi va persévérer malgré la souffrance, malgré la mort, malgré n'importe quoi qui va arriver. Il va persévérer, il va continuer à croire que Jésus revient un jour. Jésus revient un jour. Et ce matin, nous allons continuer la foi persévère. Et pour le faire, nous allons étudier une parabole du Seigneur Jésus-Christ. Et cette parabole-là, à mon dire, a été bien mal comprise, à mon dire. Si vous avez une autre façon que moi de le voir, c'est correct. Mais cette parabole-là a été utilisée pour dire des choses qui, selon moi, n'existent pas. Il faut le mettre dans son contexte. Jésus est en train de dire à ses disciples, si vous devez persévérer jusqu'à temps que je vienne vous chercher, il va y avoir beaucoup de souffrance, des tremblements de terre, des guerres, des ci, des ça. Le monde va vouloir faire mourir et il va y avoir des grands conflits avant. Mais je veux que vous persévériez. Et là, il compte une parabole pour encourager au verset 18 du chapitre, au verset 1 du chapitre 18. Il va leur compter une parabole afin qu'ils puissent continuer. Regardez bien ce qu'il dit au verset 1. Jésus leur adressa une parabole à cette gang-là qui est en train de parler du retour du Seigneur avec eux autres pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, Jésus compte une parabole, une histoire, pour amener les croyants à toujours prier et ne jamais arrêter de prier. Jamais arrêter de prier. Attention! Ici, on a pris ça puis on a traduit ça autrement. On a dit, Dieu veut qu'on n'arrête jamais de prier la même prière jusqu'à temps qu'on l'aille. C'est pas ça que le texte dit ici. Ne dit pas ça le texte. Cette histoire-là a été utilisée pour dire, va voir Dieu comme la femme l'a fait. Et tape sur la tête de Dieu jusqu'à temps qu'il te réponde à ta prière. Demande-lui jusqu'à temps qu'il te la donne. Ta requête. Pendant un an, pendant deux ans, pendant cinq ans, prie la même requête jusqu'à temps que Dieu te la donne. C'est pas ça que ça parle. C'est pas ça que ça dit. Ça dit ici, il va leur conter cette parabole-là afin qu'ils prient toujours, jusqu'à temps qu'ils meurent, qu'ils prient. Jusqu'à temps que le retour du Seigneur vienne, qu'ils continuent à prier. Jusqu'à temps qu'ils viennent les chercher, qu'ils continuent à prier. Il n'est pas en train de dire qu'il continue à prier la même requête, mais qu'il continue à prier. Si on ne comprend pas ça, on va faire dire à cette histoire-là autre chose. Et on va lire ensemble cette recueille cette histoire qui veut montrer aux chrétiens, ne lâchez point. N'arrêtez pas de prier. Ce que j'ai moi remarqué dans ma vie personnelle et dans la vie des croyants avec qui j'ai travaillé depuis 30 ans, les croyants vont arrêter de prier bien avant d'arrêter de lire la Bible et bien avant d'aller à l'église. Ils vont arrêter de prier bien avant ça. En général, c'est ce qu'on dit. La première chose qu'on arrête de faire, c'est prier. Lire la Bible, ça, c'est plus terre à terre encore. J'ai un livre dans mes mains, puis je le tiens, puis je le lis. Aller à l'église, ça, je vais y aller. Mais prier, c'est là que les chrétiens arrêtent le premier. C'est là qu'on n'a plus de misère. Ça, pourquoi? Parce qu'on est dans le monde de l'invisible. On est dans le monde de l'invisible. C'est pour ça que cette parabole est écrite dans un contexte de foi. Et c'est pour ça qu'il va dire à la fin, au verset 8, vous le voyez, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, » il est en train de parler de ça dans le chapitre 17, il dit, « Vous allez vouloir voir un jour du Fils de l'homme, vous allez désirer que je revienne vous chercher, mais je ne viendrai pas vous chercher tout de suite, il va se passer du temps avant que je vienne vous chercher. » Mais il dit, « Quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais trouver de la foi ?» Voyez-vous, c'est dans le même contexte du retour du Seigneur. Il ne faut pas sortir cette histoire-là du contexte. Le contexte, c'est, vous allez vouloir que je revienne, mais moi, je vous dis, continuez à prier jusqu'à temps que je vienne. Mais quand je vais venir, est-ce que je vais trouver de la foi? Ici, dans le contexte, trouver de la foi et prier, c'est équivalent. Si j'arrête de croire, j'arrête de prier, c'est automatique. Si je continue à prier, c'est parce que j'ai de la foi. Si j'arrête de prier, c'est parce que j'ai plus de foi. Vous me suivez? C'est ça que le texte tentait de parler ici. Jésus sait très bien que les disciples ont besoin de persévérer. Parce que lui, il voit l'histoire de l'Église. Il la voit toute. Il voit la vie de ces hommes-là qui sont en avant de lui. Il y a peut-être aussi des femmes avec lui. Là. Je ne sais pas s'il y avait juste les disciples hommes. Parce que des fois, les femmes ne sont pas là. Les femmes sont là. Il voyait bien la vie qui les attendait. Il voyait la souffrance, il voyait les martyrs. Il les a vus probablement tous vus bien avant, leurs martyrs. Il va dire à Pierre, tu vas souffrir beaucoup pour moi, Pierre. On va t'attacher, on va te conduire à des places que tu ne voudras pas, tu vas mourir, Pierre, pour moi. Il savait ça, lui. Mais il dit, Pierre, ne lâche pas. Ne lâche pas. Continue à croire en moi. Continue à prier. Jusqu'à temps que je vienne. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Un foutu juge. Hein? Un mal foutu juge. Il ne craint pas Dieu puis il se fout de tout le monde. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Remarquez bien ce qu'il dit là. La femme ne vient pas lui demander une Cadillac, ou un char, ou un auto, ou la santé. Elle vient lui demander quoi? Fais-moi justice. Il faut bien marquer ça. La requête ici, c'est fais-moi justice. Parce qu'une injustice est commise à mon égard. Il ne faut pas penser là, il n'est pas en train de dire n'importe quoi d'autre. Là. C'est ça le contexte ici. Pendant longtemps, il refusa. Que le diable t'emporte. Il la retourna. Que le diable t'emporte, va t'en tirer, pas toi. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Je suis écœuré de la voir. Je suis tanné qu'elle vienne me voir puis qu'elle me casse la tête avec ça. » Donc quoi? Il m'a dit, « Fais justice. » Il a fait justice. Il a donné ce qu'elle avait droit d'avoir. Il n'a pas donné ce qu'elle n'avait pas droit d'avoir. Il a donné ce qu'elle avait droit d'avoir. Lui, il ne donnait pas parce qu'il n'était pas juste. Ce n'était pas un juste juge. C'était un juge inique. Il a donné, il a fait justice pour s'en débarrasser. Très mauvais motif. Même en faisant justice, il a péché pareil. Parce qu'il l'a fait avec des très mauvais motifs. Et là, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Il dit, écoutez bien le juge, qu'est-ce qu'il dit. Il a fait justice malgré qu'il était injuste, un juge injuste. Et là, il dit la leçon. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Qui crient à lui jour et nuit. Qui crie ici, ça équivaut quoi? Qui prie. Qui prie à lui jour et nuit. Qui continue à prier malgré les injustices qui lui sont faites à eux autres. Le monde, il vient de leur dire que le monde va souffrir, que le monde va les persécuter, que le monde va vouloir détruire l'Église. Il dit, ils vont commettre contre vous beaucoup d'injustices, mais ne laissez pas le monde vous avoir. Continuez à prier. Continuez à prier. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il dit, est-ce qu'il va en avoir beaucoup qui vont avoir persévéré dans la prière? Est-ce qu'il y en a qui vont continuer à prier malgré tout? Est-ce qu'il y en a qui vont continuer à s'attendre de Dieu la justice, qui vont accepter la persécution, qui vont accepter d'être rejetés, qui vont accepter que le monde soit contre eux, de perdre tout ce qu'ils ont pour le nom de Jésus-Christ, et qui vont dire, nous croyons, nous avons la foi qu'il va revenir un jour, puis il va faire justice. Et nous continuons à prier, à croire en lui. Nous continuons à vouloir l'avancement de son règne, de son royaume. Et si vous voulez voir comment Dieu va faire ça, vous tournerez un jour dans l'Apocalypse chapitre 19 et Dieu crie du haut du ciel, voilà, je vous ai fait justice. C'est fini. Il l'a fait, ce qu'il avait dit. Il l'a fait. Mais ça, il faut avoir la foi pour continuer. Il dit, si un juge injuste a fait justice à cette femme-là, d'autant plus Dieu qui est juste va vous faire justice. À vous, mes enfants, mes élus, qui croyaient en moi, qui criaient en moi, qui espéraient en moi, je vais vous faire justice promptement un jour. Pas tout de suite. Parce que je vous ai dit, il faut qu'il y ait toutes sortes de choses avant. Mais un jour, je vais vous faire justice. Un jour, je vais tuer tous vos ennemis. Je vais mettre en enfer tous vos ennemis. Je vais faire un nouveau ciel, une nouvelle terre pour vous autres. Vous allez régner avec moi pour l'éternité. Mais il dit, ne lâchez pas. Continuez à prier. Moi, c'est mon système d'alarme, ça, personnellement. Quand j'arrête de prier, je me pose toujours la question. Oh, François, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, là? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie pour que tu arrêtes de prier? Qu'est-ce qui arrête, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Moi, ça, tu as moins envie de prier qu'avant. Moi, ça, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, François, là? Et quand on s'arrête, quand on y réfléchit, on trouve, par la grâce de Dieu, on trouve. Qu'est-ce qui fait obstacle? Qu'est-ce qui nous empêche? Les enfants de Dieu sont des enfants de foi. Leur vie est réglée sur l'avenir. Le monde qui est ici autour de nous, frères et sœurs, ce n'est pas le monde que nous voulons avoir pour l'éternité. C'est pas ça que nous voulons. Nous espérons que Dieu va le détruire, ce monde-là, dans lequel nous vivons. Les gens me disent, « François, tu ne t'aimerais pas ça, viens sur la terre tout le temps? » Jamais! Jamais que je voudrais vivre dans ce monde-là ici. Monde de fous, monde de tueries, monde d'abus, monde de guerre, monde de famine, monde de tout ce que tu voudras. Vivre ici pour l'éternité, jamais! Jamais! Avec un corps qui ratatine, qui vieillit. Mais non, donc, je ne veux pas vivre de même le stade d'éternité, moi. J'espère, je rêve, je désire un nouveau monde. Un nouveau monde que Dieu va créer de toutes ses mains, comme il a fait le premier. Il va créer un nouveau monde. Puis il a dit, François, c'est là que tu vas vivre avec moi. Parce que tu es mort en priant. Tu es mort en priant, espérant qu'un jour je vienne et que je vais venir faire justice. C'est ça qu'il parle ici, mes frères et sœurs. Il ne parle pas que si je prie assez longtemps, il va finir par me donner ce que je veux. C'est pas ça. Ça, c'est le chapelet qu'on appelle ça. Des fois, j'appelle ça le chapelet baptiste. On prie pas, on prie pas. Seigneur ne nous répond pas, il ne nous donne pas, on va continuer à prier pareil. On prie, on veut l'avoir, on veut l'avoir, on veut l'avoir. Puis on prie, on prie, on prie, on prie. En tout cas, si c'est ça que vous croyez, je vous en prie, ne prenez pas ce texte-là pour dire ça. Parce qu'il ne dit pas ça. Mettez-le dans son contexte. C'est un contexte de foi et un contexte de retour du Seigneur. Parce que sans ça, si vous n'avez pas la foi, si je n'ai pas la foi, ils vont finir par arriver de quoi? Ils vont vous faire décrocher. C'est une question de temps. On est obligé d'avoir la foi pour continuer. Sans la foi, il nous est impossible de continuer. Dans ce monde qui n'aime pas l'Église, dans ce monde qui cause des injustices à l'Église, pour pouvoir continuer, ça prend la foi qui vient de Dieu. Donc, la foi nous amène à la persévérance. On va en avoir un autre. Verset 9. Il dit encore cette parabole. Un autre parabole. Bien sûr, Jésus des paraboles. À quoi ça sert les paraboles? À nous faire comprendre des vérités. À nous faire comprendre des vérités. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes qui se persuadaient qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voilà. Pourquoi il compte la parabole ici? Il y a des gens qui sont là, qui écoutent Jésus parler, et ils se croient quoi? Justes. Ils se croient, ils se sont persuadés qu'ils étaient justes. Ces personnes se persuadant qu'ils étaient... C'est tellement drôle ce qu'il dit. Ça. L'être humain, dans sa folie, finit par se persuader lui-même qu'il est juste. C'est pas Dieu qui les a persuadés ici. C'est qui? Ils se persuadent, ces personnes-là. Les autres mêmes. Ils sont tellement bons menteurs qu'ils finissent par se croire. Ils se croient. Je suis une bonne personne. On va parler de mal à personne, nous autres. Et que j'ai entendu ça souvent. Et que j'ai entendu ça souvent depuis 30 ans. Pas besoin d'être sauvés, nous autres, là. On fait pas de mal à personne. Ni des bonnes personnes, nous autres, là. Des fois, on va entendre les idées. Quand les gens disent, là, on parle avec des gens, on dit, ah, oh, c'est des bonnes personnes, ça dit, oh, my friend. Je comprends leur foi. Quand les gens disent, ces gens-là, c'est des bonnes personnes, savez-vous ce qu'ils sont en train de dire, finalement? Que les autres sont des bonnes personnes. Quelqu'un qui sait qu'il n'est pas bon va dire que tout le monde n'est pas bon. C'est vous ça? Quand on sait qu'on n'est pas bon, on sait que tout le monde n'est pas bon. Quand on dit que les gens sont bons, c'est parce qu'on pense qu'on l'est. Comme on va voir l'histoire du jeune homme riche un peu plus tard. Bon maître! Bon maître! Jésus a dit, personne de bon. Personne de bon. Toi non plus. Il croyait qu'il était bon. Il a appelé Jésus bon maître. Là, il donne l'histoire, la parabole. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc, vous savez c'est quoi, hein, les publicains et les pharisiens? J'espère que vous savez un petit peu, parce que si on ne comprend pas c'est quoi, on a de la misère à saisir l'histoire. Les pharisiens, c'était ceux qui se persuadaient qu'ils étaient justes. C'était eux autres, ça. Hein? Les pharisiens, ils n'étaient pas les seuls, parce que les pharisiens étaient les enseignants du peuple, étaient eux autres qui enseignaient. Donc, les gens croyaient ce que les pharisiens disaient. Les pharisiens se croyaient des propres justes, donc ils disaient qu'ils enseignaient ça aux gens, qu'ils pouvaient devenir des propres justes. Le pharisien est debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain en arrière, là, dans le coin. » Publicain, mauvais voleur, hein? Le publicain, c'était des voleurs. C'était des escrocs, c'était des arnaqueurs. C'était vrai qu'il était comme ça. C'est une chance que je passe comme ce gars-là. Une chance. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, excusez-moi, je vais arrêter là. Comment s'était-il persuadé, cet homme-là? Comment s'était-il persuadé lui-même qu'il était juste? Par quel moyen? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Des actions, la loi. Il a utilisé la loi de l'Ancien Testament. Il dit, moi je jeûne et je donne ma dîme. Il aurait pu continuer à énumérer ici, là. Mais il donne les choses bien importantes pour les pharisiens. Je jeûne, je prie, je vais à l'église, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je donne de l'argent aux pauvres. Il n'y aurait plus d'en mettre, là. Il s'était persuadé lui-même qu'il était juste en faisant des actions. Selon lui, qui étaient des bonnes actions. C'est pour ça que Jésus va leur dire un peu plus loin. Moi, je vous encourage à aller dans votre cœur si vous voulez savoir si vous êtes des bonnes personnes. Puis là, il va donner des exemples dans sa montagne, sur la montagne, que dans leur cœur, c'est pourri à l'os. Quand on regarde nos actions, frères et sœurs, même en tant que chrétiens, on peut quasiment se convaincre qu'on est des bonnes personnes. Les chrétiens, s'ils ne font pas attention, ils vont finir par le croire. Ils vont se comparer avec les inconvertis, puis on va penser qu'on est meilleur qu'eux autres. Parce qu'on regarde nos actions. On va à l'église, on prie, on donne de l'offrande, on évangélise un peu, on fait des actions, puis là on croit qu'on est meilleur que les autres. Non. Soyons pas pharisiens. Essayons pas de nous persuader nous-mêmes qu'on est meilleur que les autres. Ou meilleur que les autres chrétiens. Le gars en arrière, le publicain, au verset 12, au verset 13, le publicain, cet arnaqueur professionnel, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui qui descendit dans cette maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Ce publicain ici, j'ai marqué cette autre vérité qu'on veut qu'on retienne, c'est « La foi obtient la justification. » La foi obtient la justification. C'est pas la foi qui justifie, mais elle obtient la justification. Et lui, qu'est-ce qu'il croit? Il sait qu'il n'est pas une bonne personne, puis il l'avoue devant qui? Devant les hommes? Ça n'a pas d'importance. Pas d'importance, qu'est-ce qu'on peut dire devant les hommes? C'est ce qu'on dit devant Dieu qui est important. N'est-ce pas? C'est ce qu'on dit dans notre solitude avec Dieu, dans notre petit temps personnel avec Dieu. C'est ce qu'on dit à Dieu là qui est important. C'est pas ce qu'on dit à l'Église qui est plus important. Ça, c'est tout du blabla humain souvent. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intimité? Cet homme-là, caché dans le coin du temple, à la vue, pas personne vraiment qu'il voyait, par exemple, il dit à Dieu, je suis un pécheur, un grand pécheur. Et je crois que tu peux me pardonner. Pardonne-moi. Et Dieu lui répond par la bouche de Jésus, tu es justifié. Mon ami, hein? La foi obtient la justification. Juste parce que tu as cru, cet homme-là. Une vie corrompue. Ne vous voyez un autre comme ça? Ben oui. Le bon larron. Les deux larrons sur le bord de la croix. Un mauvais larron et un bon larron. C'est-tu fou de dire ça? C'est deux mauvais larrons. C'est deux mauvais larrons. C'est deux bandits, deux escrocs, deux meurtriers. Des gars qui sont en... Ils vont mourir, là. Il y en a juste quelques heures. Ils vont mourir. Ils ont fait toute leur vie une vie de pécheurs. Par la foi, ils croient. Et Jésus lui dit, tu vas être avec moi au ciel aujourd'hui. Moi, j'aime ça. C'est pourquoi? Parce que je suis un foutu de publicain. Je suis un foutu de publicain. Je suis un pécheur. Mais par la foi, je crois que Jésus me dit à moi personnellement, tu es justifié, François. Tu es justifié. Parce que tu as foi en moi. Je ne regarde aucune de tes actions. Je ne regarde pas ce que tu fais en tant qu'inconverti. Je ne regarde pas ce que tu fais en tant que converti. Je regarde juste ton cœur. Est-ce que tu as la foi, oui ou non? Si tu as la foi, je te pardonne et tu es justifié. La foi, ça fait des grandes choses dans celui qui l'a. Les gens qui essaient toujours de se justifier devant tout le monde, peut-être sont tentés de démontrer qu'ils n'ont pas la foi. Qui est responsable quand tu parles? Quand tu parles et tu te vois, tu dis, c'est le gouvernement, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants le problème, c'est le pasteur, c'est le chrétien, c'est toujours des problèmes à quelque part, c'est jamais nous autres, c'est les autres. C'est les autres le problème. Si vous avez cette tendance-là, que vous faites toujours ça, moi je vous interroge, posez-vous la question, est-ce que j'ai la foi? Ça va mal dans notre foutue société, c'est à la faute de qui? C'est notre faute à nous autres. C'est pas la faute des autres, c'est notre faute à nous autres. Tout le monde. C'est tout le monde qui est responsable de ça va mal. C'est pas le gouvernement qui est responsable de ça va mal. C'est tout le monde qui est responsable de ça va mal. Parce qu'on est tous des pécheurs. Quand on est des pécheurs, ça va mal. Si vous allez au ciel, vous allez voir, ça va pas mal au ciel. Pourquoi il n'y a pas de pécheurs, là? Quand ça va mal dans un couple, quand ça va mal dans une famille, quand ça va mal partout, c'est la faute de tout le monde. C'est pas la faute d'un. Si vous cherchez toujours un responsable, peut-être que vous essayez de vous justifier. Mais soyons plutôt comme le publicain qui dit, par ma faute, par ma très grande faute. C'est ce qu'on disait quand on était catholique, on se frappait dans la poitrine. C'est ma faute à moi. Ça va mal. Je vais à l'école avec un paquet de monde qui est là. 90% c'est des divorcés qui sont là. Et savez-vous qu'est-ce qui passe? C'est toujours la faute de l'autre. Ils sont toujours en train de parler contre l'autre. Ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils parlent des problèmes de l'autre. Mon mari était comme ça, la femme était comme ça, la mère était comme ça, la beau-père était comme ça, la belle-mère était comme ça. Non. Ils veulent se justifier. Au lieu de dire, c'était ma faute aussi. C'est ma faute aussi. Ça va mal. La foi obtient la justification. Nous allons arrêter là pour ce matin. La semaine prochaine, on va continuer encore sur la foi. C'est tellement merveilleux de voir ce qu'elle peut faire. Notre Père du ciel, en terminant, nous te remercions que tu nous as donné la foi. Cette foi qui croit au pardon sans limite. Cette foi qui croit à l'impossible. Cette foi qui persévère dans la prière jusqu'à temps que tu viennes nous chercher. Et cette foi qui peut obtenir la justification. Merci de nous l'avoir donnée. On reconnaît ce matin qu'elle n'est pas en nous. Mais qu'elle nous a été donnée par toi. Et tout ce qui va en découler du fait qu'on a cette foi-là, toutes ces milliers de promesses que tu vas accomplir, ne nous ont pas données à cause de nous, mais à cause que tu nous as donné la foi. Nous t'en bénissons. Nous t'en bénirons éternellement. Seigneur, nous voulons, dans ta grâce, dans ton amour, dans ta bonté, nous voulons vivre dans ce monde cette semaine et que tout le monde voit notre foi. On n'a pas besoin de crier, on a besoin juste de vivre notre foi devant eux. Quand nous agissons, quand nous parlons, qu'ils puissent voir notre foi. Qu'ils puissent voir que nous croyons à quelqu'un de plus grand que nous. Qu'ils puissent voir que nous croyons à un monde meilleur qui va être fait par toi. Tu puisses voir que nous anticipons qu'après la mort, c'est la vie qui commence, la vraie vie. Béni sois-tu éternellement. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je termine avec un chant, si vous voulez bien.